C'est censé être ça le début de la performance sonore de 18h30, hein ? Oui, 18h. 18h, ok. Le but, c'est de me balader un peu de partout avec ça. En fait, j'enregistre. C'est deux micros, c'est des micros binaurales. Du coup, tu as les micros qui sont dans les oreilles. Binauraux. Oui. Ouais. Je vais m'approcher, tu me dis ce que tu captes là-bas sur le voltiateur. En fait, ça, il y a dans les enceintes. Dans les enceintes. Voilà.